22h01 à la pendule de Radio Béton, et ben on attaque la dernière grosse demi-heure de l'émission de ce soir. Et quelle meilleure manière d'entamer cette dernière partie que de réaccueillir l'ami Thibaut pour un dernier petit focus. Et pour parler de black metal en plus. Oh bah dis donc ! Ça faisait longtemps. Oh bah il dit qu'il est surpris. Et j'arrive de nouveau à monter dans les aigus, tiens. Ah bah c'est bien. Direction les États-Unis de nouveau. Pour découvrir, alors complète découverte de mon côté, une formation en 2017, le groupe Dryad, qui sort là, c'est leur tout premier album. Ils ont sorti un premier EP démo en 2017, qui était donc un EP éponyme, qui est enregistré sans aucun doute dans le fond d'un garage, parce que vu le son, franchement, c'est assez dégueulasse à écouter, sorti uniquement en cassette. Donc voilà, on en est là. So true. Je pose des bases, mais voilà, ça conceptualise le groupe dans ce qu'ils vont proposer après, et ça donne un petit peu les intentions qu'il y a derrière. 2018, leur second EP qui s'appelle The Silurian Age, déjà beaucoup mieux enregistré, même si ça reste encore un peu trop raw, surtout un peu trop lo-fi pour moi. Ça manque encore un petit peu de percutant dans le son, mais voilà, ça sonne un peu amateur. Ce qui n'est pas le cas de l'album qui vient de sortir. Et ils ont déjà un petit peu un délire sous l'océan. Alors promis, je ne me mets pas à chanter. Ah putain, je l'ai en tête, ça y est, c'est parfait, c'est foutu. Promis, je ne chanterai pas de Disney à la radio. mais voilà, donc un concept autour du silurien avec tous les poissons, les scorpions et les céphalopodes géants de cette période. Donc voilà, ils ont déjà une approche un petit peu autour des créatures marines et des horreurs qu'on peut y trouver. Donc, dans le passé, mais sur ce nouvel album, dans le présent. Donc, ce nouvel album, il s'intitule The Abyssal Plane, qui est donc un concept album qui tourne autour des abysses du monde et des choses qu'on pourrait y trouver, qu'on peut y trouver ou qu'on pourrait y trouver. Ça flirte avec le Lovecraftien. Oui, bah, par le visuel. Sans non plus trop y entrer. Complètement. On va dire. Et le visuel, moi, j'ai trouvé magnifique, vraiment superbe. C'est tout en noir et blanc, donc même pas en nuance de gris. Hein. On est vraiment que sur du noir et du blanc dans le visuel. Oui, avec du gros placard noir, justement. Ouais, voilà. C'est très oppressant, parce qu'il y a vraiment... ça va être à l'image de leur musique, c'est-à-dire quelque chose de très brut d'apparence. C'est rampant, c'est grouillant, c'est visqueux. T'arrives pas à trouver les textures de ce qu'il y a sur le visuel, mais... Tu plonges dedans et tu fais « Putain, il y a un détail là, il y a un détail là, il y a un détail là. » Et c'est complètement à l'image de leur musique dans l'album. Donc cet album, il a un son qui est raw, mais qui est, pour le coup, qui sonne plus amateur, ça y est. Ils ont trouvé comment rendre ce son. Ok, on a un son qui est fait pour être cradingue, mais c'est travaillé, c'est réfléchi. Tu le ressens là vraiment dans l'album, là où dans les EP, ça restait un petit peu bancal. Et toujours pareil, il faut un petit peu tendre l'oreille parce que si de prime abord justement le son il est pas accessible, du coup de par le son c'est pas un truc qui est facile à écouter, mais dès que tu plonges un petit peu dedans, tu tends l'oreille, tu fais waouh, tout le travail de richesse qu'il y a en fond dans les compositions, t'as des ambiances qui sont vraiment monstrueuses, t'as du synthé qui vient se mettre en petite nappe de fond sur pas mal de morceaux. T'as des interludes comme Adal. Pour la petite histoire, Adal, c'est la zone la plus basse des abysses. Et ils sont carrément pondus en plein milieu de cet album de raw black metal, qui est presque war black dans son approche. Un petit morceau de Dungeon Scene qui vient en plein milieu de l'album et qui est ultra apaisant, ultra bien branlé. Et voilà, t'as un morceau qui enchaîne derrière avec du piano. Enfin, c'est d'une richesse monumentale. Une fois qu'on a réussi à franchir le mur, la masse, le bouclier du son ultra violent, à l'intérieur, on retrouve des choses ultra, ultra riches et très prenantes. Ouais, complètement. Et bah, le tout, c'est porté par le chant donc, de Claire Nunez, alias Clo. Elle a un timbre de... Enfin, après, ça, c'est... un peu propre au chant féminin dans les musiques extrêmes. Il y a un côté rond et qui disparaît que t'as avec le chant masculin. T'as un côté un peu plus rond, un peu plus gros, un peu plus caverneux. Et là, t'as quelque chose d'incisif, de vraiment qui te pique, qui est froid, qui est vraiment glacial. Très, très criard, très agressif, ce que beaucoup de chanteurs de black metal vont essayer de retrouver. Ouais. Comme tu disais, avec toujours cette espèce de petit glavio qui traîne au fond, ouais. Là où bien souvent dans le chant extrême féminin qui va chercher sur les aigus, il n'y a pas ce glavio. Du coup, c'est vrai, beaucoup plus froid, agressif, incisif et viscéral. Hein. Coucou à Zagro, mais Dark Nendokner de Sother Cult. Exactement. Et il n'y a pas longtemps, putain, j'ai bouffé le nom. On a diffusé aussi un groupe dans ce style d'approche hein, à la Dryad, mais qui était vraiment plus Revenge. J'ai bouffé le nom. Ouais, pareil. Voilà, où c'est voilà, hyper agressif et très brut et rao dans le son. Et Dryad, alors pour situer le nom, hein, on est à fond dans la mythologie. Et Dryad, du coup, dans la mythologie grecque, je sais pas si t'avais prévu d'aborder ça ou pas. Non. Voilà, la Dryad, c'est une représentation divine liée à la nature. Et c'est quelque part un être divin très timide, très discret, mais voilà, qui reprend dans Albator, on a les sylvides, enfin voilà, les êtres sylvains, tout ce qui évolue dans la nature, dans les forêts, ouais. Pour la Dryade. Et du coup, bah, couplé à ça, on a un chanteur qui vient rajouter un petit peu de growl, un peu plus profond, pour donner un aspect caverne. Caverne, tout à fait. Donc voilà, c'est l'autre guitariste du groupe, le guitariste rythmique qui vient un petit peu ponctuer de temps en temps pour donner un petit peu de richesse en plus. Et voilà, pour la petite anecdote, alors moi je me suis posé la question en écoutant, tu as un passage dans un des morceaux, à la toute fin d'un des morceaux, qui est dans un anglais approximatif, qui est à peu près de mon niveau, c'est-à-dire catastrophique, mais ça sonne un accent français, et je me suis demandé si c'était pas un discours du commandant Cousteau qui avait été mis dedans, parce que ça parle un petit peu des créatures qui sont fragiles dans les profondeurs et tout ça. Et j'ai pas trouvé de choses là-dessus, mais je me suis demandé, parce que, en tout cas, si c'était bien ça, je trouve que la petite référence est vachement pertinente dans le truc, et je trouvais ça assez sympa. Voilà, si c'est le cas, je me pose la question d'où vient ce discours, j'ai pas trouvé la source. Sinon, j'ai fouillé un petit peu, mais impossible de retrouver. Donc voilà. Ok, et bah très bien, ce qui vient encore enrichir un peu la musique de Dryad. Le titre choisi pour illustrer ce focus, Pompeii Warm. Bah voilà. Voilà, une ambiance, je trouve que c'est le meilleur morceau de l'album. Il y a à la fois cette ambiance ultra pesante, ultra oppressante, avec une intro qui pose un petit peu l'ambiance. Et ça finit sur un espèce de truc un peu black and roll, complètement... ouais, voilà, exactement. Et tout ça, sorti chez Prosthetic Records. Dryad, c'est parti pour illustrer le focus. We'll be right back. Voilà, Block and Roll sur la clôture de ce morceau de Dryad. On enchaîne avec une doublette de violence. Copoclesis, tout d'abord, groupe de Brutus Slam Death qui nous vient d'Angleterre, actif depuis une dizaine d'années. Ils sortent là leur deuxième effort studio longue durée après un petit EP qui a eu le jour en 2020. Quelques changements de line-up au passage. On retrouve en guest les membres de Crepitation et autres 357 Homicide. 11 titres pour 28 minutes de tendresse. Et en doublette avec Copoclesis, Lividus, un groupe ricain qui nous vient de l'Oregon, actif depuis une demi-douzaine d'années. On est sur un line-up, deux hommes, deux femmes. Musicalement, on est sur quelque chose qui va chercher dans le trash death un peu prog, mais avec de grosses anecdotes autour d'éléments doomisants. C'est un peu dynamique, un peu riche, un peu imprévisible. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur Lividus. Copoclesis, Flagellating as a Slave, extrait d'album Elegant Degradation, sorti Reality Fade. Lividus, Ernexus High, extrait de l'EP Terra Thorns. We ask thee to help us in the destruction of our enemies, as you have done for us today. We pledge ourselves to thee, and may we continue to be thy faithful servants. Whomsoever you send to us, we shall destroy, knowing it is thy will. Amen. Now, Cynthia, now! Yeah. Avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir, avec l'avant-dernière nouveauté également, Gatekeeper, à ne pas confondre avec Gatecreeper, puisque là on est dans un style totalement différent. Gatekeeper, cependant, nous vient également des du continent américain, on va dire, parce que ça nous vient de Vancouver au Canada, actif depuis une douzaine d'années, et qui sort là son second album studio, 5 ans après le premier. Il y a eu un petit EP et quelques changements de line-up, dont un nouveau Zikozer, le micro. Musicalement, comment est-ce qu'on peut situer Gatekeeper? Un heavy, épique, revival bien old school, à la sauce Eternal Champions, Visigoth, les bien connus par chez nous, Atlantic Codex. Voilà, des histoires légendaires, des grosses épées en beaucoup moins pompeux et rabarbatifs qu'un Manowar. Et du coup, sur le côté épique, on retrouve même du tubesque sur le fond. Donc voilà, Gatekeeper, un groupe plutôt cool à découvrir. Et derrière, le néant total et absolu, Seven Human Target, l'excellent groupe de Brutal Slam Death qui nous vient de Russie. très même expérimental, presque du slam avant-gardiste, ce que nous propose Seven Human Targets, particulièrement grâce à la folie pure de leur bassiste. Yantra Creating, c'est le nom de leur quatrième effort studio, presque 10 ans depuis le précédent. Voilà, Seven Human Targets, c'est ultra efficace. Une sortie chez Willow Tip Records, hein, ils étaient jusqu'à maintenant chez Several Red Records. Et voilà, toujours un plaisir à écouter et à découvrir. Bramstra, le titre de Seven Human Targets. Et juste avant ça, Gatekeeper avec le titre Exiled King, extrait de l'album From Western Shores. Une sortie sur le très bon Cruzel Sur Music. On enchaîne et on clôture l'émission de ce soir avec, en clôture de clôture, Fister Decay, groupe de Gorgrind qui nous vient du Japon. Actif depuis 2016, ils sortent là leur premier album studio longue durée après une volée de démos et autres splits. C'est groovy, c'est gras, ça bave de partout. L'album fait une trentaine de minutes, 14 titres, hein, ça nous renvoie vers, d'ailleurs même sur le visuel, au premier Carcass et autres Dead Infection et Pharmacist. Et la dernière nouveauté de ce soir, qu'on s'écoutera juste avant Fister Decay, il s'agit de Trusthound, groupe qui nous vient de Santiago do Chile. On est sur du Blackening Trash. Into the Void, c'est le nom de leur premier album studio, une sortie Day Victim Production, excellent label s'il en est un, encore une fois. Trusthound, voilà, c'est déjà dispo. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah voilà, la recette elle est là. Ça bavouille le vieux Sepultura et autres Demolition Hammer, avec même un petit relentec à la sauce Forbidden. Voilà, du bon plaisir à s'écouter. Metal Violence, yeah! Le titre de Trusthound. Falling Grind, le titre de Fister Decay, extrait de l'album Reality Rotten to the Core. Une sortie Everlasting Pure Records. Sur ce, excellente fin de dimanche à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission en pas direct. Ciao, ciao!